Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 28 octobre 2014. Et ce soir, les mêmes deux comparses que la semaine dernière, je suis avec Martin Sagala. Salut Martin! Salut Luc! Et puis Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François! Salut! Ça va bien messieurs? Oui, toi? Bien sûr. L'hiver s'en vient, commence à faire froid le matin, il fait clair tard, je pars le matin de chez nous, il fait noir. Bientôt, on va partir, on va revenir, il va faire noir. Regarde, faites-vous-en pas, moi, ça fait une couple de fois, je vois de la glace, juste du frima. Ouais, j'imagine, hein? Ça s'en vient ce temps-là, mais c'est pas grave, on est fait fort, on aime ça l'hiver, on vit l'hiver-été. OK, mais non, j'haïs pas ça l'hiver. Mais c'est sûr, je m'en passerais peut-être. Tu sais, aller vivre en Floride ou en Californie, ça pourrait passer, mais je vais prendre l'hiver au lieu des tremblements de terre et tornades et tout ça. Ou l'Irak, ou encore. Donc, messieurs, cette semaine, on va avoir encore deux sujets. Je vais parler, la semaine passée, je vous disais que j'allais faire une chronique sur mes essais des Kia Forte 5 et Forte Coupe. Et puis, Martin va nous parler de l'histoire d'un monsieur que vous ne connaissez peut-être pas. On le surnomme Monsieur Speedo, Émile Leray, qui a... c'est sûr que vous le connaissez pas. Je le connaissais pas avant que Martin m'en parle, mais il a quand même réussi... Il a accompli quelque chose d'assez exceptionnel. Un simili-exploit. Exploit qui aurait peut-être connu plus de presse si une de ses photos ne montrait pas lui en speedo dans le désert. C'est la seule photo. Ouais, lui en speedo dans le désert. Puis même, on dit speedo, je dirais plus un string, mais bon, c'est assez ordinaire, on en reparlera plus tard. Spectaculaire. Oui, c'est festaculaire. Donc, messieurs, je vais commencer par mon essai des Kia Forte Coupe et Forte 5. J'ai été assez chanceux. J'ai essayé quelques produits Kia de suite. J'ai jasé avec la personne qui s'occupe des médias chez Kia, puis il m'a dit ah oui, je pourrais te booker ça puis ça de fil puis tout ça. Ok, fait que je me suis ramassé avec la Kia Forte Coupe. La semaine d'après, j'avais la Kia Optima, donc je vais vous parler un petit peu plus tard. Dans les semaines qui viennent. Puis après ça, j'avais une Kia Forte 5. Donc, j'ai eu deux Forte en dedans de 3 semaines. Wow. Bon, la coupe, c'est la version 2 portes. Donc, ce qui est le fun chez Honda ou chez Ford ou chez certains constructeurs, on offre deux modèles. Chez Honda, on offre la Civic coupée, puis on offre la Civic 4 portes. Chez Ford, on offre la Focus 4 portes ou la Focus 5 portes, mais les coupés, c'est quand même assez rare. Il y a Hyundai de plus en plus rare. Il y a Hyundai qui offrait la même chose. Il offrait l'Elantra coupe, l'Elantra 4 portes, puis l'Elantra 5 portes. Là, à ce que j'ai entendu dire, Hyundai va lâcher la version coupée de l'Elantra. Il va juste avoir la 4 puis la 5 portes. La 4 portes s'en va. Mais bon, Kia et Hyundai, ils ont des similités, là. Je veux dire, ça appartient. C'est comme chapeauté par la même compagnie en haut. Mais Kia, selon ce que j'ai entendu, eux autres vont garder leur offre de 3 versions différentes. Donc, Kia nous offre la Forte Coupe, la Forte 4 portes, puis la Forte 5. La coupe, la version 2 portes, c'est très bien. Elle a un beau look sport. Il y a juste quelque chose, puis c'est vraiment la seule pour moi qui a peut-être un bémol. J'aimais beaucoup l'ancienne. J'aimais beaucoup le design puis le look de l'ancienne Forte Coupe. On dirait qu'elle sortait juste plus du lot. On dirait juste qu'elle avait l'air plus agressive. Je sais pas, il y a quelque chose dans la Forte Coupe de l'ancienne génération qui m'attirait vraiment, puis qu'à chaque fois j'en croisais une sur la route, je la remarquais tout de suite, puis je me tournais la tête pour la regarder, parce que je la trouvais vraiment belle. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Je sens un peu de déception dans ta voix. Non, pas vraiment. La nouvelle est belle, mais je sais pas, il y a juste quelque chose de moins. Je peux pas dire, je la trouve aussi belle, je trouve qu'elle a quand même un look agressif, mais il y a juste quelque chose, puis je peux pas mettre le doigt dessus, qui fait que la coupe de l'ancienne génération m'attire juste un petit peu plus. Mais Je peux pas dire pourquoi, c'est ça mon problème. J'ai adoré conduire la coupe, ça va super bien, c'est le fun, c'est confortable. Je veux dire, on a l'impression d'être dans une voiture qui a vocation un petit peu plus sportive, c'est le fun, mais il y a juste quelque chose qui, côté look extérieur, qui fait que j'aimais plus l'autre, puis je peux pas mettre le doigt sur quoi. La nouvelle, elle a tout mieux, je veux dire. Le design est plus moderne. En arrière, on a un échappement double séparé, fait un tuyau d'échappement de chaque côté. L'ancienne, c'était un échappement double, mais du même côté, tu sais, les tuyaux un à côté de l'autre. Ça donne un look plus sport quand c'est séparé. Je veux dire, j'aime le look qu'elle a. Il y a juste quelque chose, peut-être la nostalgie de l'ancienne Est version. moins agressive, je trouve, elle ressemble plus à sa sœur, entre Ouais, guillemets. c'est ça, on dirait vraiment, puis c'est vraiment plus flagrant sur la Forte 4 portes. C'est une mini Optima. L'autre chose peut-être qui fait que j'aime moins la coupe de l'ancienne, c'est la grille de calandre est vraiment petite. Moi, je sais que de plus en plus, les grilles de calandre, c'est presque inutile. On est capable de rentrer de l'air par ailleurs. Les moteurs n'ont plus besoin d'être Oh, refroidis autant la qu'avant, là. plupart sont même, c'est même plus, c'est une T'sais, fausse grille, c'est là pour l'esthétique. c'est ça, t'sais, c'est plus vraiment nécessaire, mais je sais pas, je trouvais Ça apporte une que. présence à une auto, par exemple, Ouais. c'est ça à quoi on l'identifie souvent. Ben, c'est ça, puis ça dépendait de la forme, puis ça donne un look plus agressif ou moins agressif. Fait que c'est peut-être ça, je trouve. Peut-être la nouvelle Forte a peut-être un look moins agressif que Elle a perdu l'ancienne. son côté de soi psychopathe. Peut-être, c'est peut-être ça. Mais ça reste une excellente voiture. Ça reste une voiture une coche une coche meilleure que l'ancienne. On a appris de ce qu'on fait. C'est Kia, ça en va juste en s'améliorant. Je veux dire, déjà, je me rappelle, mon beau-père avait une ancienne Kia Rio. Et Dieu sait que dans ce, je pense que c'est une 2002. C'était, Il c'était, avait dit, as-tu c'était. acheté, il s'est-tu rendu jusqu'au sportage aussi? Non, il n'a pas été au sportage. Mais tu sais, c'était pas Jojo. Mais depuis ce temps-là, je veux dire, ils ont tellement évolué, c'est presque épeurant pour les autres, là. Mais bon, en tout cas, c'est une voiture qui est amusante à conduire. Elle est quand même belle. Comme je dis, la seule version que je trouve qui manque juste un peu d'agressivité, c'est la coupée. Pour les autres, ça marche super bien. La Forte 5, je trouve, c'est probablement une des plus belles hatchbacks, des voitures à rayons. Elle est vraiment jolie. Les lignes. Je veux dire, l'arrière de la mec qui ont fait le design, c'est vraiment super bien. Donc, côté look, je serais peut-être tenté d'aller vers la 5 portes. J'aime beaucoup les hatchbacks, même si la coupe est super belle. Bon, l'avant pour les trois modèles de voiture, c'est vraiment similaire. Il n'y a pas vraiment de changement. C'est plus, tu sais, de côté, on va voir les versions qui sont différentes. Coupé, 4 portes, 5 portes. La ligne de toit est différente pour tous les modèles. L'intérieur, c'est exactement le même intérieur. Parce que moi, j'ai eu une version SX, donc c'était exactement les mêmes finitions intérieures dans la coupe que dans la Forte 5. C'est-à-dire les sièges en cuir chauffant, ventilés, le volant chauffant aussi dans le modèle que j'avais. Pourtant, selon ce que j'ai eu comme information, c'était la SX et non pas la SX Lux. Donc, la SX Lux aurait été peut-être une coche au-dessus. À moins que l'espèce de liste de prix puis l'espèce de collant de vitre que je vous parlais dans la dernière émission était celui de la SX. Mais pour de vrai, j'avais une SX Lux, là. Mais la finition est vraiment Ça va bien, quand on super. a des collants, faut pas avoir les bons. Non, mais je sais pas. Comme je te dis, l'intérieur t'as bien fini, mais si je compare à, mettons, le Kia Soul SX Luxe que j'ai eu, l'intérieur était un petit peu, une coche un petit peu plus haut. On avait des accents de couleur noire piano, tu sais, brillant, lustré. Ça donnait un look différent. Là, on est allé avec des insertions comme de simili-fibre de carbone pour faire plus, tu sais, sport peut-être. Fait que c'est super bien fini, mais j'avais de la misère à voir si est-ce que c'est un SX ou un SX Lux. Le SX Lux, normalement, t'as un toit panoramique. Moi, j'avais un toit ouvrant régulier. Mais Déjà là, c'est vraiment très bien. Puis l'auto que j'avais était, bon, je pense, 28, 29 000 le coupé que j'avais. Donc, tu sais, c'est bien fini. On a à peu près tout ce qu'on veut, là. Moi, de moins volant chauffant, des sièges chauffants, puis je suis ben heureux, là. Un petit matin froid, c'est à peu près tout ce que tu as de besoin. La température qui te fait cet effet-là. Ouais, c'est ça. La Forte Coupe, les sièges sont mécaniques, c'est-à-dire c'est pas des sièges qui sont électriques. Puis la raison pourquoi qu'on a fait ça, au début, je me disais, ben, c'est dommage plate, ça, des sièges mécaniques dans un auto de ce prix-là. Puis après ça, ben, je parlais avec le gars de Kevin, il me disait, ben oui, mais tu sais, c'est parce que dans un auto, deux places, tu veux pas prendre 2 heures pour enlever le siège que la personne en arrière puisse sortir. Donc, tu sais, faire ça électrique, bzzz, puis l'autre est en arrière, tu sais, je peux te Ça sortir, là. va-tu casser Ouais. souvent? C'est T'sais, quoi, tout bout de champ s'en servir en plus? ouais, fait que c'est un siège mécanique où tu lèves une petite palette, le siège se tasse, la personne sort, c'est fini, tu remets le siège en place. Donc, brillant. Moi, pas brillant d'avoir pensé que le contraire serait mieux. Brillant le fait d'avoir Ah, pensé que cherche donc s'ils l'ont pas essayé avant. ah, peut-être, là, mais en tout cas, je pense que c'était la manière d'y aller. Sur la Forte 5, c'était des sièges d'ajustement électrique, c'était super bien. Volant ajustable hauteur télescopique, bouton pour tout contrôler. Bon, comme je disais, volant chauffant. J'aime beaucoup le volant chauffant. Je commence à y prendre goût. Je pense que la prochaine voiture que je vais acheter va devoir avoir un volant chauffant. Système de navigation, connectivité, Bluetooth et tout ça. Le système de Kia fonctionne super bien. C'est peut-être, je peux pas dire que c'est le meilleur sur le marché. C'est dur de pointer un meilleur. Ils ont souvent toutes des petites choses, mais celui de Kia, c'est probablement un des pas trop complexes à utiliser. Un qui fonctionne très bien, un qui fait tout très bien. Donc, tu sais, je veux dire, il est dans la norme, là, il est dans un de ceux que ça me dérangerait pas d'avoir comme système de divertissement. Ça marche bien. J'ai tout fait avec ce que j'avais besoin de faire. C'est facile à utiliser. Ça fait le travail. Bon siège en cuir. Confortable, chauffant surtout. J'aime ça les sièges chauffants, ça fait 2 3 fois que je reviens là-dessus. Vraiment aimé ça. ça offre un bon soutien, donc c'est vraiment bien. Espace arrière. Bon, dans un coupé, on s'attend à asseoir du monde à l'arrière, puis de. Bon, c'est plus utilitaire qu'amusant. Tu vois pas grand-chose dehors, bon, à cause de la ligne de toit, les petites fenêtres et tout ça, mais bon, ça fait le travail. Là, la Forte 5, il y a beaucoup de place en arrière. On peut asseoir 2 adultes, un enfant. Je l'ai fait. La seule plainte que j'ai eue des passagers arrière, c'est que quand tu as cette configuration-là, donc c'était ma conjointe, mon garçon au milieu dans son siège d'appoint, et puis la conjointe d'un de mes amis. Et puis, on est parti avec ça. On est parti à la ronde avec l'auto. Et puis, ils ont été obligés de se passer la ceinture en dessous du bras parce que à les stranguler, c'était vraiment dans la gorge. La ceinture marquait leur marquait le cou, puis c'était vraiment inconfortable, là. Fait qu'il n'y a pas de manière d'ajuster la hauteur de la ceinture en arrière, dépendant de la grandeur de la personne ou combien de personnes que tu as dans l'auto. Tu sais, si t'es juste deux, tu peux peut-être t'asseoir plus au centre du siège, puis passer la ceinture d'une manière confortable. Mais si tu as un siège d'appoint au centre, la place est limitée. Tu es obligé de t'asseoir un petit peu plus aux extrémités des sièges sur le bord des fenêtres. Puis là, ben, la ceinture était vraiment comme dans le cou. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement une utilisation que tout le monde va en faire, mais tu sais, ça serait le fun que ça soit peut-être ajustable en hauteur pour qu'on puisse être plus confortable si on a plus de monde dans l'auto. Surtout que c'est une voiture à vocation plus familiale. C'est quand même une 5 portes. On s'attend à ce que ça soit fonctionnel. Seul l'est. Je veux dire, côté espace, c'était correct. C'était juste le problème avec les ceintures qui était un petit peu que j'ai eu des plaintes de. Mais bon, on a quand même assis 5 personnes en arrière, avec toi, 5 personnes en arrière, 5 personnes dans l'auto, dont 3 en arrière, puis on s'est rendu, puis c'était quand même confortable pour le reste. Motorisation, ben, il y a 2 moteurs dans la famille Forte. Il y a un 4 cylindres de 2 litres qui développe 173 chevaux, 150 livres-pieds de couple, puis il y en a un qui est disponible. Ça, c'est pour les modèles LX puis EX, puis les modèles SX et SX Lux. C'est un 4 cylindres turbo de 1,6 litres qui développe 201 chevaux, 181 livres-pieds, 195 livres-pieds de couple. C'est le plus fun de la gang. C'est celui qui est le plus amusant. C'est la version plus sportive. Il est disponible dans les différents modèles de la famille. Et puis les transmissions, ben, c'est deux transmissions à 6 rapports, une manuelle puis une automatique. La version automatique inclut des palettes de changement de vitesse au volant. Donc, si vous voulez changer les vitesses vous-même, vous pouvez le faire. Je l'ai essayé, ça fonctionne bien. Mais comme je dis souvent, les transmissions automatiques font tellement un bon travail aujourd'hui que changer les vitesses soi-même quand on a une transmission automatique, c'est vraiment juste pour le plaisir, là. Ça sert vraiment pas à grand-chose au fin fond du fond. Fait que ça, les deux versions que j'ai essayées. Pour le côté conduite, c'est agréable à conduire, on se sent confortable, on est bien assis, ça brasse pas trop. Le moteur 1,6 litres avec la transmission automatique fait un bon travail, là. C'est pas nécessairement une DSG de chez Volkswagen, c'est pas une conduite allemande non plus, mais pour une petite voiture On ne vise pas la même clientèle non plus. c'est ça, on vise pas la même clientèle, mais tu sais, pour une petite voiture qui est une vocation sportive, amusante, familiale, là, ça fait super bien le travail. Ça ne serait pas quelque chose que j'hésiterais nécessairement à aller me chercher si j'étais sur le marché pour cette voiture-là. Il y a trois modes qu'on peut configurer pour l'espèce de sensation du volant. On a un mode confort, un mode sport, puis un mode normal. Je vous dirais que, puis ça, c'est pas seulement chez Kia, là. C'est rendu toutes des directions électriques. Aujourd'hui, c'est plus hydraulique comme c'était. La sensation de conduite est moins présente que c'était dans le temps, avec les directions hydrauliques. C'est généré par ordinateur, la résistance, on Ouais, dit. c'est ça. C'est en plein ça. Fait qu'on donne un feeling différent. Je vous dirais, c'est vraiment, vraiment subtil, là, qu'on change de mode. Puis, ah, ok, oui. Le mode sport est peut-être un peu plus. On sent le volant, c'est un petit peu plus raide, un peu plus précis. Mais c'est vraiment subtil. Ça change pas vraiment C'est genre le grand-chose. gadget qu'on met à sport quand il touche plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça que j'ai fait dans ma semaine. Je l'ai essayé. Ah, ok. Ah, ok. Ah, j'aime mieux sport finalement. Puis on le laisse à sport. Bon, les cotes de consommation, ça va dépendre des modèles. Là, c'est vraiment large. Puis ça devient un peu compliqué. Là, j'étais justement en train de fignoler mon article qui va paraître la semaine prochaine. Qui va paraître. Non, c'est cette semaine, la semaine prochaine. Qui va paraître prochainement sur Kijiji. Puis là, c'est de démystifier. Tu dis, ah, mais je vais faire un article, puis je vais englober la famille au complet. Fait que j'ai des photos des deux versions, puis tout ça. Puis là, tu tombes dans OK, quel moteur, quelle finition, quelle roue, quel tout ça. Puis là, tu dis, ah, mais OK, là, tu compares la SX, puis la coupe, puis la 5. Puis là, tu dis, ah, OK, moi, ça se ressemble. Puis là, tu tombes dans la version 4 portes. La version 4 portes a une version LX de base qui vient avec des roues en acier et des enjoliveurs, mais les autres non. Mais la Forte 4 portes n'a pas de version SX Lux, les autres oui. Fait que les finitions sont différentes. Là, je suis en train de démystifier ça sur le site. C'est un petit peu compliqué, mais bon, une version SX va avoir que peu importe dans quel modèle vous allez, la coupe, la 4 portes ou la 5 portes, le modèle SX est celui qui a quand même tout l'équipement qu'on peut pas mal vouloir, là. C'est à peu près ça, sauf la SX dans la 4 portes, a les sièges chauffants, ventilés, puis tout ça, sièges chauffants en arrière, tandis que là, il faut aller dans le SX Lux pour comme la Forte 5 portes, la Forte 5. Fait que ça devient un peu compliqué. Mais bon, c'est ça. Consommation d'essence, c'est similaire, mais un peu différent, dépendant du modèle. La Forte Coupe, avec la boîte manuelle, on parle de 9 litres au 100 km. En ville, 6 litres au 100 km sur route, ça c'est pour la LX EX, ça c'est avec le moteur 2 litres. Le moteur 1,6 litres, on parle de 9,4 litres en ville, 6,8 litres sur route. Ça se ressemble un peu pour les autres, là. Si je regarde en ville, avec la boîte, ça c'est-tu la boîte ou un manuel automatique? Ah, ça vient compliqué les chiffres là. Calculer que c'est entre 9,3 litres et 6,3 litres au 100 km, c'est à peu près au milieu avec la boîte manuelle. Puis si vous allez avec la boîte automatique, mais c'est entre 8,9, 9,5, 9,8 en ville, aller à 6, 6,9, 7,2. Sur route, là, dépendant du modèle, la coupe ou la 5 ou la Forte. Mais les consommations d'essence sont quand même constantes là, pour le type de voiture que c'est, ça fait bien de l'allure. Pour ma part, là, j'ai eu 6,6 litres au 100 km au volant de la coupe. Ça, c'est avec la boîte automatique. C'était deux boîtes automatiques à 6 rapports. Puis au volant de la Forte 5, la moyenne a été de 7,4 litres au 100 km, mais il faut parler de l'utilisation qui a été totalement différente, là. La coupe, j'ai pas vraiment. Tu sais, dans le week-end, j'ai eu ma femme puis mon fils dedans, tandis que la coupe, on est allé jusqu'à Ronde avec 5 personnes dans l'auto, là. La consommation d'essence est un peu différente. J'ai pogné du trafic aussi en rentrant en ville, puis tout le kit. Fait que c'était moins joyeux que la coupe a eu la vie beaucoup plus facile que la Forte 5 l'a eu pendant mon essai. Mais je vous dirais franchement, Ils ont eu chacune la vie qui sont destinées pour. c'est ça. La coupe a eu un petit peu plus de temps sur l'autoroute, un peu moins de grandes routes, puis choses comme ça. Tandis que la familiale s'est fait de la 5, la Forte 5 s'est fait utiliser comme une voiture familiale. Puis regarde, ça a super bien fait le travail. On est parti, on est allé à la ronde, on est revenu. Ça a super bien été. Juste les ceintures qui a eu un petit problème, là. Ben, un petit problème. C'est une question de confort, mais là, on peut pas nécessairement tout faire non plus. On peut pas prédire l'utilisation de tout le monde non plus. Verdict, regarde, je veux dire, si vous On va cherchez. dire que c'est un oubli. Ben, c'est un oubli ou c'est aussi, on l'a, tu sais. La plupart des gens l'utiliseront pas comme nous autres, on l'a utilisé comme ça. Fait que la plupart Ouais. des gens s'en apercevront même pas Toi, ça a que été ça un peut arriver. irritant au sens propre du terme. Ouais, c'est ça. Mais pour le reste, super bonne voiture, super amusante à conduire, c'est beau, c'est amusant. Si vous êtes sur le marché pour une de ces voitures-là, une voiture dans ce créneau-là, allez l'essayer. Ils sont bien équipés pour un prix qui fait du sens aussi, là. Beaucoup de choix de couleurs et tout ça. Donc, allez faire un tour, allez voir ça. Moi, je pense que c'est une voiture qui vaut amplement la peine d'être au moins essayée et probablement même achetée. J'ai bien aimé, surtout la 5. Moi, je suis un grand fan des voitures hatchback. J'ai bien aimé la Forte 5, l'espace et tout ça. Mais même le coffre dans la coupe est surprenamment grand, là. Pour le type de voiture, c'est vraiment super bien. Mais j'ai pas essayé la Forte 4 portes, là, mais je pense que ça fait pas mal le tour avec les deux autres versions. Ça va pas mal être le pont entre les deux. Moi, c'est ça. L'autre doit avoir un comportement similaire. Donc, ça va être beau pour ça, Martin. Tu vas nous Oui. parler de Monsieur Speedo. Émile Oui. Leray, qu'a-t-il fait pour mériter sa place sur notre. Le titre de Monsieur Speedo qui a été décerné vu son selfie. Ouais, c'est ça. Ben, on va recommencer l'histoire au début parce que Parce qu'il commence par la fin, c'est vraiment plate. ouais, ça fait vraiment bizarre, un grand speedo dans le désert. Pourquoi je parlerais d'un grand speedo dans le désert pour commencer? Ouais, je sais pas si ça n'a pas rapport avec les autos jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Parce que le petit monsieur, en décidant de traverser l'Afrique avec sa Citroën deux chevaux, comme tout le monde fait dans ses fins de semaine, Oh oui, c'est ça. ouais, tout le monde fait ça, fait qu'il est parti avec un petit coffre à outils, une couple de pièces de spare, puis il a décidé qu'il traversait une partie de l'Afrique avec ses deux chevaux. Jusque-là, il y a beaucoup de monde qui ont fait des choses similaires à ça. Jusqu'au moment où l'armée l'a arrêté pour lui dire non, tu peux pas passer, tu vois, il y a des combats plus loin, Monsieur Speedo a décidé de faire le détour en passant par en arrière, les contourner, puis de traverser par le désert du Sahara avec sa Citroën. Ouais, qui a pas vraiment été conçu pour ça. Qui au départ, ben, au départ c'est ça, c'est pas la meilleure des idées qu'il y a eu. Il y en a eu des excellentes plus tard, mais celle-là, c'était pas la meilleure. Il y a eu une crampe au cerveau. Il a fini par, à force de taper dans les roches puis de virailler dans les butons, il a fini par arracher complètement un bras de suspension en arrière de l'auto. Il a des prix dans le désert du Sahara à au moins une vingtaine de kilomètres du village le plus proche. Puis là, on s'entend 20 km dans le milieu du Sahara, puis 20 km en marchant sur le bord de la 300 quelque chose. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. Non, c'est pas pareil. Fait que là, ben, il a couché dans son auto en pensant à son affaire. Puis, parce que là, il faut comprendre, une Citroën 2 chevaux, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'était l'équivalent de ce qu'était la Beetle pour les Français, là, si on veut, c'est l'auto la plus simple possible. C'était la voiture du peuple de son temps en France. C'est simple comme bonjour, en fait, de mécanique, là. Un enfant de 6 ans capable de comprendre comment ça fonctionne, je pense. Puis c'était presque juste, c'était presque capable de rouler sur une route normale. Fait qu'imaginez-vous dans le désert. Et c'est oui, mais c'est quand même ce qui leur échappait. Mais étant donné avoir eu un véhicule moderne, il serait mort là. Parce que rendu là, il a décidé de. Avec, il a ouvert son petit coffre à outils, puis il a décidé, en regardant ça un peu comme faux, il a eu une deuxième crampe au cerveau, puis il a décidé que le plus simple, étant donné qu'il y avait un petit peu de nourriture, un petit peu d'eau, puis qu'il ne pouvait pas abandonner ça non plus, ça se traîne mal dans le milieu du désert, marcher 20 km, là. Ouais, tu peux. Il a décidé de défaire son auto, puis de se construire une moto. Jusque-là, c'est. En tout cas, je suis Ça pas convaincu. sonne Lego comme histoire. Oui, ben l'auto fait très Lego au départ, mais quand même, Ouais. ça part d'un projet assez. Disons que c'est trop compliqué de marcher 20 km, se construire une moto avec un set d'outils de base qu'on traîne dans une valise de char. Il n'y a rien là. Ouais, c'est ça. Fait, il a enlevé la carcasse, la carrosserie sur l'auto, si on veut, parce que c'était un châssis séparé. Puis il a enlevé l'auto, il s'en est servi comme tente. Un petit peu plus loin, mettre ses choses. Puis il a commencé à défaire l'auto avec une petite scie à fer. Il a sectionné le châssis de l'auto en deux. Il a tout défait les bras de suspension. Il a réinstallé ça à l'envers. Il a reculé le moteur dessus qui a été réinstallé plus loin. Il a attaché avec une ceinture un des tambours de frein pour pas que le différentiel tourne sur un côté. Il a accoté l'autre sur une roue. En tout cas, il est venu à bout de ce patenter une moto. Il avait espéré le faire en 3 jours, ça y en a pris 12. OK. Mais marcher 20 km, ça aurait pris combien de temps? Oui, mais je te dirais, j'ai rendu là, un coup t'es commis, tu te dis, bah, tant qu'as-tu mon élan. Ouais, c'est ça. Là, il racontait, j'ai lu des bouts d'entrevue pour faire des trous parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de perceuse, il n'y avait pas rien. C'était de plier le métal puis d'aller faire un trou avec la scie à fer pour redresser le panneau après pour qu'il y ait un trou pour pouvoir passer des attaches ou quelque chose. Ça a dû être très long et très pénible. Il est difficilement venu à bout de construire une à peu près moto qui a un look très, très Mad Max, là. Non, Oui, il y a moyen de voir les photos là, en tapant 2 chevaux désert. C'est probablement la seule photo qui va sortir de toute façon. ouais. Ça ou son mémorable selfie le jour où il a fini de construire sa moto puis qu'il est parti, de lui debout avec un speedo. Ouais, très bien. Oui, ça a l'air qu'il s'est fait un déclencheur avec des bouts de fil de l'auto, toutes sortes d'affaires. Pour réussir à prendre cette photo-là. Ouais, fallait vouloir, hein. Oui, il fallait avoir du vouloir, il fallait vraiment avoir oublié son linge quelque part. Je sais pas s'il a été déçu quand il a vu la photo. C'est probablement pour ça qu'il n'a pas été rendu à la postérité. Mais il est parti, tranquillement, pas vite. Pour finir par se faire arrêter, évidemment, quand il a fini d'approcher d'un village avec son véhicule, pas d'échappement qu'on devait entendre arriver à 12 km à la ronde, à peu près, qui devait avoir l'air d'une soucoupe volante quand il rentrait avec aucune lumière, pas d'échappement, puis qu'il recevait des échappements carrément en plein visage. C'est sympathique. Peut-être assez ordinaire, Il devait être tout à fait lucide quand il est arrivé. ouais. Ouais, pas mal. Qui a été intercepté par les forces de l'ordre. Mais on s'entend qu'aux confins de l'Afrique, les forces de l'ordre y ont finalement remis une contravention. Ouais, c'est ça, pour avoir survécu à son histoire. Non, ils ont remis une... parce que son véhicule était considéré comme dangereux, et puisqu'il y avait une plaque qui venait pas de ce pays-là. Donc là, il avait passé illégalement un véhicule dangereux, étant donné qu'au départ, il l'a fait passer comme étant un véhicule légal pour la route. Ok, ouais. Il a remis sa plaque d'immatriculation et il a reçu une très grosse amende pour aller avec. Pour avoir survécu à ses exploits. C'est une belle récompense quand même, Ouais. après s'être perdu 12 jours dans le désert, puis s'être construit une moto un peu comme dans le film, je sais pas si vous avez vu le film Le vol du Phénix. Non. Il s'écrase avec un avion en plein désert, avec un peu d'équipement, puis il décide de se reconstruire un avion, puis il finit par venir à bout de sauver du milieu du désert avec le restant d'avions qu'ils ont construit. OK. C'est un peu le même principe à moins grande échelle et avec des selfies en speedo. Ouais, c'est ça. J'ai mis, pour ceux que ça leur tente, j'ai mis l'image et l'article, un lien vers l'article sur la Oh, page mais Facebook du j'ai le podcast vrai auto. article en français aussi de le lien de ça. Je vais t'envoyer ça bientôt. OK, on postera ça sur la page Facebook. Allez voir ça. Ouais, C'est intéressant, Monsieur Speedo. Ouais. Ben un homme merci, débrouillard. on apprend. Donc, si jamais vous êtes pris à quelque part Peut toujours se dans le faire une parc moto. de la véranderie, vous pouvez toujours défaire votre cobalt pour vous faire une moto avec. Ce serait peut-être plus compliqué, par exemple. Ouais. Ouais. Peut-être. Mais au moins. C'est aussi fait un bateau plus tard dans sa vie. Il s'était conçu un concept plusieurs années plus tard. Il est parti, c'est sûr, là, il s'était préparé, hein. Les Ouais. plans étaient déjà faits. Il est parti avec un ami, puis traverser une autre partie de l'Afrique. Il fallait traverser une rivière. Et il avait dessiné un plan où il défaisait l'auto, il virait la carrosserie à l'envers, puis et il s'est fait un bateau avec sur le bord de la rivière pour traverser la rivière. Ok. Donc, Ouais, faut croire qu'il aime vraiment les deux chevaux. puis il aime vraiment défaire des chars pour faire d'autres choses Ouais. avec. Il s'amuse beaucoup. Il appelle ça un Transformers. Mais bon, Sûrement. ça prend un peu plus de temps à transformer, là, mais ouais, quand même intéressant. Il est quand même débrouillard, le monsieur, mais Et avoir la moitié de sa débrouillardise, je serais déjà très content. ouais, ce serait pas pire. Je suis moins convaincu pour ses goûts vestimentaires, Ouais. mais... Ouais, l'image en speedo est assez déstabilisante. Mais bon, vous irez voir ça. Ben, merci Martin. C'est intéressant. Puis cette photo-là va rester marquée dans le fond de mes rétines pendant trop longtemps. Longtemps Je vais faire des cauchemars cette nuit. Mais bon, ça sera tout de ta faute. Je me réveille en sueur puis je crie Martin. Je vais me rappeler que c'est l'image du speedo. rêvais des deux chevaux puis des speedos. Ouais, c'est ça. Ça serait bien ordinaire. Donc, C'est pas bon. un monsieur qui est particulièrement joli au départ. Non, pas en Non. partant, non. C'est Non. assez ordinaire, ça aussi. Mais Pas bon, très charismatique. non, il a le Mais... droit. Il pensait peut-être que c'était sa dernière photo qu'elle allait prendre. Ça aurait été plate que ça soit la photo de. Ou Oui, qui apparaîtrait dans le c'est la pamphlet comme dernière auteur. photo à vie. Pour. C'est assez plate. Pour Hein? moi. Ouais, c'est ça. Donc, messieurs, on va terminer ça là-dessus avant que ça dérape trop. Si on veut vous rejoindre sur les internets, comment peut-on faire, Jean-François? Moi, c'est sur Twitter, à commercial JF Eliéhu, puis c'est pas mal ça pour l'instant. Parfait. Toi, Martin? Ah, le télégraphe ou les signaux de fumée. Ouais, ça fonctionne. Sont d'excellentes méthodes. Oui. Non, sinon, la plupart des réseaux sociaux sous mon nom, Martin Sagala. Sinon, parfois, il m'arrive. Ça vient à chaque semaine, celle-là, mais pas d'article pour Oui, en jaser. parfois, il m'est arrivé et il m'arrivera éventuellement d'écrire sur le site du podcast. De toute façon, faites-vous-en pas, on va vous en parler rendu là. Oui, la journée que ça va arriver, on va faire un gros party avec une boum de l'enfer. Non, c'est pas vrai. Quand même pas exagéré. Non, j'apprécie à chaque fois que tu écris un article, c'est un article de plus sur le site parce que je suis pas mieux, j'écris pas, j'écris ailleurs. Hein? C'est le même que ça fonctionne. Donc moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est AskAlazormo. Il y a aussi le compte Twitter du podcast auto qui est @podcastauto. Il y a une adresse courriel, lepodcastauto@gmail.com, si vous désirez nous écrire là. Et puis sinon, ben vous pouvez me lire sur le blog de Kijiji chaque jeudi. J'écris un nouvel article sur l'automobile, c'est affaires.kijijiblog.ca. Et puis, sinon, vous pouvez m'écouter aussi sur le podcast qui s'appelle Réalité augmentée avec, bon, l'ami Jean-Benoît Gagné et l'autre ami Daniel Carosella. C'est à peu près ça. Donc là-dessus, je vous me remercie beaucoup d'avoir écouté une autre émission du podcast Toto. J'espère que vous vous en sortez encore indemne. Et puis nous, on se reparle la semaine prochaine. N'allez Merci. pas voir la photo du Speedo. Non, ça pourrait perturber la vie. oui. Oui. Donc évitez, mais tu sais, des fois la curiosité. Tu dis au monde, évite, fais pas ça, puis le monde le font pareil. Ça. Mais bon, si vous voulez voir ça, allez sur la page Facebook du L'avertissement est podcast donné, Toto. c'est plus mon problème. Non, c'est ça. Au moins, tu as averti les gens. Donc, merci beaucoup. Et puis, tu sais, on a fini l'émission, on étire encore ça. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye. Bye-bye.